بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par la nuit, quand elle enveloppe tout. والنهار إذا تجلى Par le jour, quand il éclaire. وما خلق الذكر والأنثى Et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. إن سعيكم لشتى Vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. إن علينا للهدى. C'est à nous certes de guider. وإن لنا للآخرة والأولى. À nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Où ne brûlera que le damné. Qui dément et tourne le dos. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى Alors quand sera écarté le pieux الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى Qui donne ses biens pour se purifier وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَزَى Et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى Mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. وَلَسَوْفَ يَرْضَى Et certes, il sera bientôt satisfait.